بجد نمونو M'avait pas imaginé ou trop loin. Lévé sans vous les matins. Lévé fait chemin en moi. Chez moi, qu'à déchirer, ni à j'cabarer soleil.